Chapitre 45e. Question d'intérêt à Londres. Le lundi matin à 6h, Frank et M. Auriel, qui avaient passé la nuit au manoir, partirent ensemble pour Londres. Mais de si bonne heure qu'il fût, Béatrice s'est élevée pour leur servir le café. On peut douter que Frank eût reçu sa tasse des mains de sa jolie sœur si M. Auriel n'eût pas été présent. Du moins, il le nia hautement quand elle se vanta de s'être levée pour lui. Lady Arabella avait prié M. Auriel de profiter de l'occasion de ce voyage pour démontrer à Frank la folie de son amour obstiné et lui avait promis de la seconder de tout son pouvoir. Mais M. Auriel n'était pas un homme présomptueux. Il avait bien l'intention de se conformer au désir de Lady Arabella, mais chaque fois qu'il essaya d'amener la conversation sur le mariage de Frank, il se laissa tout doucement entraîner sur l'agréable pente de la pensée qu'il ramenait sans cesse à son propre mariage avec Béatrice. 4 fois, pendant le trajet, M. Auriel tâcha d'aborder adroitement la question délicate, et 4 fois il manqua son but et se retrouva au même point. « Jamais homme ne fut plus heureux en mariage que je le serais, » dit-il d'un ton enthousiaste et qui eût été ridicule s'il se fût adressé à toute autre personne qu'au frère de sa fiancée. Cependant, son intention était bonne, car il voulait démontrer que son mariage était aussi sage et aussi prudent que celui de Frank l'était peu. « Oui, » dit celui-ci, « Béatrice est une excellente fille. » Mais comme il répétait cet éloge pour la 4e fois, il n'y mit pas une grande énergie. « Elle me convient si bien sous tous les rapports, » continua M. Auriel. « À dire vrai, elle réalise tout ce que j'aurais pu rêver. Qu'elle était charmante ce matin. Il y a des jeunes filles qui ne sont bien que le soir. J'avoue que je n'aimerais pas du tout cela. »« Il ne faut pas vous attendre à la voir toujours aussi bien à 10h du matin, » dit Franck en riant. « Elle ne serait pas descendue dans une toilette aussi coquette si mon père ou moi nous étions partis seuls pour Londres. Et elle ne le fera pas non plus pour vous dans 2-3 ans. »« Oh, mais elle est toujours si aimable. Et puis elle est si pieuse. » « Quant à cela, j'en suis bien sûr, » dit Frank en prenant un air grave approprié à la circonstance. « Elle est faite pour être la femme d'un pasteur. »« À ce qu'il paraît, » dit le frère. « La vie conjugale est, j'en suis convaincu, la plus heureuse ici-bas, lorsqu'on est dans une position qui permet de se marier, » dit M. Auriel qui commençait enfin à approcher de son but. « Oui, certainement, » dit Frank en bâillant. « Savez-vous bien, mon cher futur beau-frère, que j'ai peine à tenir mes yeux ouverts. Avec toutes ces histoires de Gatsby et des uns et des autres, je n'ai pas pu me coucher avant 1 heure. Et encore n'ai-je pas dormi. Je m'en vais faire un petit somme, si vous voulez bien me le permettre. » Et mettant ses pieds sur la banquette de devant, Frank s'installa commodément et ne s'éveilla qu'à Londres. Tel fut le résultat de la 4e tentative de M. Auriel. À midi, Frank était chez Maître Slow et Bideawhile. Maître Bideawhile était occupé, mais le maître Claire ne l'était pas, et en jugé par la loquacité de ce digne homme, Frank aurait pu croire que Maître Slow et Bideawhile n'étaient pas surchargés de travail. « Quel homme singulier que Sir Louis !» dit le clerc. « Oui, très singulier, » dit Frank. « Son argent est en parfaite sécurité, et cependant il veut forclore. Vous savez qu'il n'en a pas le droit, mais reste à savoir si le curateur peut s'y opposer. Ah ! « Voici la sonnette de M. Bideawhile. Je suppose qu'il peut vous recevoir maintenant. » Frank se trouva bientôt en présence de Maître Bideawhile. Comme il savait sa leçon par cœur, il se disposait à la réciter d'emblée, mais cela n'entrait nullement dans la manière de procéder de Maître Bideawhile. Le légiste se leva de son grand fauteuil et tendit la main à son jeune client en souriant d'un air patelin. « Je viens pour vous parler de cette hypothèque, » commença Frank. « Hypothèque ? « Asseyez-vous, monsieur Gresham, asseyez-vous. Votre père se porte bien, j'espère. »« Très bien, je vous remercie. »« J'ai une grande estime pour lui. »« Il en était de même pour votre grand-père. »« Quel excellent homme. »« Vous ne vous souvenez probablement pas de votre grand-père, monsieur Gresham. »« Il est mort quand je n'avais 1 an. »« Ah, naturellement, vous ne pouvez pas vous le rappeler. »« Mais moi, je m'en souviens très bien. »« Il aimait beaucoup un certain vin de Porto que j'avais. » « Je crois que c'était du 11, et si je ne me trompe, il m'en reste encore 2-3 bouteilles. Mais il n'est plus digne d'être bu maintenant. Vous savez que passé un certain temps, le vin de Porto ne se conserve pas. C'était du vin excellent. Je ne me rappelle pas au juste à combien me revenait la 12aine de bouteilles, mais on ne peut plus s'en procurer. Quant au Madère. Buvez-vous du vin de Madère, monsieur Gresham ? Non, pas souvent. Tant pis, car c'est un excellent vin. J'en ai encore quelques douzaines de bouteilles. On me dit qu'on cultive des potirons sur les anciens vignobles. Je voudrais bien savoir ce qu'on fait de tous les potirons qui croissent en Suisse. Avez-vous été en Suisse, monsieur Gresham ? Oui. C'est un beau pays. Mes filles m'y ont entraîné l'année dernière, sous prétexte que cela me ferait du bien. Mais vous comprenez, elles désiraient elles-mêmes y aller. Cependant, je crois que j'y retournerai cet automne, c'est-à-dire à Aix ou dans quelque autre établissement thermal de ce genre, pour 3 semaines. Vous savez, je ne puis disposer de plus de temps, monsieur Gresham. Frank, pensant qu'il y aurait de la cruauté de sa part à abuser de la gracieuseté d'un homme aussi laborieusement occupé, recommença à parler de l'hypothèque et parla de M. Yates Humbleby. « Ah, pauvre Humbleby !» dit M. Bideawhile. « Que fait-il maintenant ? Je suis parfaitement sûr que votre père a eu raison de le congédier, mais je trouvais qu'Humbleby était un homme très convenable. Il n'est pas aussi grand seigneur que vos Gatsby et Gumption, hein, M. Gresham ? On dit que Gatsby jeune songe à entrer au Parlement. » Mais qui donc, Sir Louis Scatcherd, a-t-il pris pour le représenter ? Ce Sir Louis, c'est un original, n'est-ce pas ? Il boit, hein ? Je connaissais un peu son père. C'était un diamant brut, celui-là. Je me suis trouvé une fois avec lui dans le comté de Northampton pour des affaires de chemin de fer. Voyons donc, j'ai oublié si j'étais pour ou contre lui. Mais je sais qu'il gagna en moins d'une heure 60 000 livres sterling. Jugez donc, 60 000 livres sterling. Puis il s'enivra si bien que nous crûmes tous... C'est ainsi que M. Bideawhile continua à causer pendant 2 heures et que Frank ne put trouver l'occasion de placer un mot au sujet de l'affaire qui l'avait amené à Londres. Pouvait-on s'étonner que le digne légiste fût obligé de rester à son étude jusqu'à 9 heures du soir ? Pendant ces 2 heures, un clerc était venu 3 ou 4 fois dire quelques mots à l'oreille de M. Bideawhile, qui se tourna enfin vers Frank en disant « Peut-être qu'en voilà assez pour aujourd'hui. » Si vous pouvez revenir demain vers 2 heures, nous arrangerons cette affaire. Vous préférez peut-être mercredi ou jeudi ? Frank dit qu'il reviendrait le lendemain et s'en alla tout en s'étonnant de la manière dont se faisaient les affaires chez Maître Slow et Bideawhile. Lorsqu'il revint le jour suivant, il remarqua une certaine agitation autour de lui. On l'introduisit immédiatement auprès de Maître Bideawhile. Avez-vous appris la nouvelle ? Lui demanda celui-ci en lui mettant entre les mains une dépêche télégraphique qui annonçait la mort de Sir Louis Scatcherd. Frank comprit tout de suite que cette nouvelle devait être d'une grande importance pour son père, mais il ne se doutait nullement de l'influence qu'elle devait exercer sur sa propre destinée. « Le docteur Thorne sera à Londres jeudi soir, immédiatement après les funérailles, » dit le clerc. « Et rien ne peut être décidé avant son arrivée, » ajouta M. Bideawhile. Et Frank, méditant sur l'instabilité des choses humaines, prit de nouveau congé de ces messieurs. Il ne lui restait plus qu'à attendre l'arrivée du docteur Thorne, et il profita de l'intervalle pour aller faire une visite à Miss Dunstable, qui était à la campagne. Il partit le mercredi et manqua par conséquent la lettre de Mary, qui arriva à Londres le jeudi matin. À Londres, Frank trouva, avec la lettre de Mary, un billet du docteur Thorne lui annonçant qu'il était descendu à Gray's Inn Coffee House afin de rester dans le voisinage des hommes de loi. Frank trouva le docteur profondément endormi sur le mauvais sofa de crin de la salle de Gray's Inn Coffee House. L'enterrement, son voyage à Londres et tous ses pourparlers avec les hommes de loi avaient épuisé son énergie. « Je vous demande pardon, » dit-il en s'éveillant en sursaut. « 1000 pardons, Frank. » « Eh bien, cher ami, tout le monde va bien à Greshamsbury. Je serais déjà venu vous voir, docteur, si je n'étais allé à Malvern. »« À Malvern ? Ah oui, c'est ce qu'Auriel m'a dit. La mort du pauvre Sir Louis a été bien soudaine, n'est-ce pas ?»« Oui, très soudaine. Pauvre garçon. Depuis quelque temps, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Quelle fatalité ! Frank, songez donc, le père et le fils. » Que Dieu ait pitié de ce pauvre jeune homme. Je ne puis quelquefois m'empêcher de croire à une providence toute spéciale. Cet infortuné n'aurait jamais été capable de faire un bon usage de ses biens. J'espère qu'ils tomberont en meilleures mains. Il n'est pas possible de le nier, cette mort est un véritable soulagement pour votre père et pour moi. Elle met un terme à toutes ces affaires litigieuses. Quant à moi, j'espère bien ne plus jamais être nommé tuteur. Je suppose que vous retournerez bientôt à Greshamsbury. Oui, je partirai demain. Déjà ? Je comptais vous avoir un jour à Londres avec moi. Non, je partirai demain. Je ne suis bon à rien en ce moment. Lisez cette lettre, docteur, et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a une semaine qu'elle a été écrite. J'étais encore là-bas, mais avec mes allées et venues, je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui. Et mettant la lettre de Mary entre les mains du docteur, Frank s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue. Le docteur ouvrit la lettre et la lut. Quand le jeune homme se rapprocha du docteur, celui-ci porta son mouchoir à ses yeux afin de dissimuler ses larmes. « C'est bien, » dit-il en rendant la lettre à Frank. « Que voulait dire ce « bien » ?» Frank devait-il se rendre aux raisons de Mary ?« Il est impossible que les choses continuent ainsi, » dit-il. « Songez à ce qu'elle a dû souffrir avant de se décider à écrire cette lettre, car enfin je suis sûr qu'elle m'aime. »« Je le crois aussi, » dit le docteur. « Et il ne sera pas dit qu'elle sera sacrifiée ni que je sacrifierai mon propre bonheur. Je suis prêt à travailler pour gagner ma vie. Je ne me soumettrai pas à... Voyons, quelle réponse pensez-vous que je dois faire à cette lettre ? Personne, excepté moi, ne peut désirer ce bonheur aussi vivement que vous. » En disant ces mots, Frank mit presque involontairement la lettre entre les mains du docteur. Celui-ci la tourna et la retourna, puis il l'ouvrit encore. « Vous savez, Frank, que je ne me suis mêlé de cette affaire que pour vous dire toute la vérité au sujet de la naissance de Mary. »« Oui, mais c'est une affaire qui vous regarde. Vous devriez dire ce que vous en pensez. »« Pour le moment, il ne serait guère possible de vous marier. »« Mais pourquoi ne prendrais-je pas une ferme ? Mon père pourrait sans doute s'arranger à me donner 2000 livres, ou à peu près, pour m'établir. »« Ce ne serait pas exiger beaucoup. Et si cela lui était impossible, je ne me ferais aucun scrupule de les emprunter ailleurs. » ajouta Frank en pensant aux offres de Miss Dunstable. « Oui, cela pourrait s'arranger. Alors pourquoi ne pas nous marier immédiatement ? Dites 6 mois ou environ. Mon parti est pris. Je ne suis plus un enfant et je ne permettrai à personne de me traiter comme tel. » Et Frank se promenait à grands pas dans la chambre, s'arrêtant de temps en temps comme pour attendre la réponse du docteur, tandis que celui-ci, la lettre de Mary à la main, réfléchissait à l'apparente absurdité des projets de Frank, qui parlait d'emprunter 2000 livres sterling pour prendre une ferme à bail, quand, selon toute probabilité, il pourrait, avant peu de mois, disposer de n'importe quelle somme qu'il lui plairait de nommer. Et cependant, de crainte d'une déception, il ne pouvait lui parler encore du testament de Sir Roger. « Désirez-vous que je renonce à Mary ?» demanda Frank. « Non. Comment pourrais-je le désirer ? Pourrais-je souhaiter un meilleur mariage pour elle ? D'ailleurs, il n'est pas d'homme au monde que j'aime plus que vous, Frank. Alors vous voulez bien m'aider ? Comment ? Contre votre père ? Non, contre personne. Mais dire à Mary qu'elle a votre consentement. Je crois qu'elle le sait déjà. Mais vous ne lui avez jamais dit. Écoutez-moi, Frank. Vous me demandez mon avis et je vais vous le donner. Retournez à Greshamsbury, quoique je préférais vous voir aller partout ailleurs. Non, il faut que j'y retourne, il faut que je la voie. Très bien, partez. Mais quant à voir Mary, je crois que vous feriez mieux d'attendre 15 jours. C'est impossible. C'est mon avis. Mais quoi qu'il en soit, ne décidez rien avant 15 jours. Je vous dirai alors et à l'un et à l'autre ce que vous devez faire. Au bout de ce temps, venez me trouver et priez de ma part votre père de vous accompagner. Mary a beaucoup souffert. Il faut absolument prendre un parti quelconque, mais 15 jours ne peuvent pas faire une grande différence. Et la lettre ? La lettre, la voici. Mais la réponse ? Je vais naturellement lui écrire aujourd'hui. Dites-lui d'attendre 15 jours et tâchez d'amener votre père avec vous, Frank. Frank ne put obtenir d'autre réponse du docteur. Bien, dit-il enfin, j'irai vous trouver, et si cela m'est possible, je persuaderai à mon père de m'accompagner. Mais j'écrirai ce soir à Mary. Le samedi matin, Mary, que le silence de Frank avait presque réduite au désespoir, reçut le billet suivant. « Ma chère Mary, je serai demain à Greshamsbury. Je ne consentirai jamais à vous délier de votre promesse. Vous comprenez sans doute que je n'ai reçu votre lettre qu'aujourd'hui. Votre Frank. P.S. Vous m'appellerez encore ainsi bien des centaines de fois. » Si courte qu'elle fût, cette lettre suffit à Mary. C'est quelque chose de la part d'une jeune fille que de pouvoir faire une proposition sage et qui lui brise le cœur, mais c'est tout autre chose pour elle que de l'avoir acceptée. Ce jour-là, Mary appela Frank son Frank, presque aussi souvent qu'il eût pu le désirer lui-même.